L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Astrée lutte depuis plus de 30 ans contre l'isolement, un isolement qui s'est accentué avec la crise sanitaire et les confinements successifs. Cathy, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Astrée et donc avec vous, on va découvrir ce que vous faites, notamment sur Nancy, hein, parce que l'association est aussi implantée sur Nancy depuis peu, je crois. Oui, c'est exact. Nous avons créé une antenne depuis une grosse année à peu près. En tant que bénévole, quel est votre rôle, vous, Cathy ? J'ai actuellement deux rôles. J'accompagne une personne, puisque c'est la vocation principale de cette association, qui est d'aider les personnes isolées qui ont des difficultés. Et je participe également au fonctionnement de l'antenne de Nancy. Sur Nancy, vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous sommes très exactement 10 bénévoles et nous avons 9 accompagnements en cours. Pour préciser un peu comment vous fonctionnez, donc c'est essentiellement un accompagnement que vous faites auprès de personnes qui sont isolées pour diverses raisons. Pour diverses raisons, quelle que soit la tranche d'âge, ça peut être un isolement suite à un problème professionnel, à une rupture, un divorce, ou à l'heure actuelle, pour des situations compliquées, on pense particulièrement aux étudiants qui sont dans une certaine forme de solitude qui n'est pas toujours facile à gérer. Effectivement, depuis plus d'un an maintenant, la situation est celle que l'on connaît, donc toute l'importance d'une association telle que la vôtre est d'autant plus mise en avant aujourd'hui. Absolument. Donc, surtout que nous bénéficions quand même d'une certaine expertise. Pour vous situer, c'est quand même 600 bénévoles au niveau national, 650 personnes à peu près régulièrement suivies, et c'est actuellement 21 antennes en France. D'où l'idée de s'implanter en région pour être un peu plus présent et accompagner un maximum de personnes, bien évidemment. Accompagner quelqu'un qui est en difficulté, alors expliquez-nous un peu aussi, parce que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas donné à tout le monde d'accompagner des personnes. Tout à fait. L'objectif, c'est de mettre en relation donc des personnes qui sont isolées avec un de nos bénévoles. On est formé et ensuite on est suivi, donc ce qui permet d'avoir une expertise dans le domaine de l'écoute. On a une personne qui a besoin d'aide qui nous contacte par téléphone. La personne qui la reçoit fait le point avec elle pour déterminer ses besoins et ses attentes. Ensuite, cette même personne met en relation avec un de nos bénévoles la personne qui a sollicité un accompagnement. Donc tout ça est bien défini dans un cadre prédéterminé avec la personne qui a besoin d'un accompagnement, qui se passe de la manière suivante. C'est un accompagnement hebdomadaire. Il est confidentiel, bien évidemment, et il est gratuit. Et ça se passe en présentiel ou est-ce que c'est plus par téléphone ? Actuellement, compte tenu de la situation sanitaire, cela se déroule essentiellement par téléphone, on va dire. Voilà. Mais dans la pratique en dehors de cette période particulière, ça se fait en présentiel, tout à fait. Alors comment on vous contacte ? Comment on fait appel à vos services ? Nous avons un numéro de téléphone, donc je vais vous donner celui de l'antenne de Nancy, 07 66 66 05 86. Un numéro de téléphone, donc on retrouvera aussi sur le site de la radio, mais vous êtes aussi également sur Internet, hein, les réseaux sociaux, site Internet, vous avez une page Facebook sur Nancy. Oui, tout à fait. Absolument, nous avons une page Facebook à Nancy, et il y a un site dédié qui est astre.asso.fr. Voilà pour les adresses à retenir qu'on trouvera aussi sur le site de la radio. Plus pour revenir aussi sur votre rôle, Cathy, en tant que bénévole et accompagnante, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche qui a fait que vous vous êtes investi dans cette association Astrée ? Eh bien, la solitude est un phénomène qui prend de l'ampleur actuellement en France. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'on se retrouve très facilement dans une situation de solitude qui peut être développée en plus à l'heure actuelle par le télétravail, par l'environnement, parce que les réseaux sociaux, enfin, personnellement, c'est très bien, ça crée du lien également, mais il n'y a pas le côté émotionnel. Avec l'intermédiaire d'un échange téléphonique ou en visuel, on peut apporter à ces personnes qui sont isolées, on peut les aider à déterminer plus, mettre des mots sur leurs émotions et leur permettre de prendre du recul. Oui. Quel message vous pourriez faire passer justement des personnes qui pourraient être en situation d'isolement aujourd'hui, qui n'oseraient pas prendre le téléphone ou contacter telle ou telle association pour rompre cette solitude ? Alors, En fait, notre écoute, elle est sans jugement. Son conseil, c'est juste pour permettre à ces personnes qui sont en difficulté de libérer leur parole et de vider leur sac, en fait, tout simplement. Vider leur sac auprès d'une personne qui sera là avec bienveillance pour les écouter. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans mon activité professionnelle par téléphone et c'est vrai que c'est un outil où on peut se permettre d'échanger vraiment, en fait. Pas autant qu'en présentiel, mais on peut apporter un vrai plus. Et j'avais envie d'apporter ce plus, personnellement. 07 66 66 05 86. Et bien sûr, donc, pour contacter les bénévoles de l'association Astrée, la page Facebook et le site Internet. Cathy, merci beaucoup pour votre témoignage et votre présentation. Je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.